tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse Lascaux, saison 4, un art quasi mort et très enterré. Une série de Perrine Kervran réalisée par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a le nouveau facsimilé de la grotte de Lascaux, ouvert il y a un an, et ce petit bison gravé sur un os de renne et qui tourne la tête pour se lécher le dos. Et cette sensation étrange de bien-être qu'on peut avoir dans une grotte, loin de la lumière et du bruit, comme à l'abri, hors du temps, dans un endroit qui ouvre la possibilité d'une rêverie, comme un contact direct avec le passé le plus lointain. Et puis il y a aussi une fascination pour ces dessins, peintures et gravures que les hommes et les femmes du Paléolithique ont posés sur ces parois au plus profond de la Terre. Et enfin, l'envie de préserver ce qui devra forcément disparaître un jour. Alors pour commencer, les personnages. Un plasticien qui a fini de reconstituer et qui est déjà nostalgique, un archéologue habité et débonnaire, des archéologues qui vont de découverte en découverte, d'autres qui veulent partager leurs recherches, et une conservatrice au chevet d'un trésor national. Ensuite, le décor. Une réplique exacte de Lascaux, une autre anamorphosée de Chauvet, une grotte fermée à double tour où sont enchevêtrés des centaines d'animaux gravés au doigt dans l'argile, un sous-bois en automne, des petits chemins de traverse et quelques squelettes millénaires. Aujourd'hui, troisième épisode, on est à Montignac, au pied de la colline, au milieu des bulldozers, juste à l'entrée de ce qui est aujourd'hui Lascaux 4. Alors il faut être d'une part pas trop méchant et d'autre part rapide. L'entrée de Lascaux, ça mesurait entre 20 et 30 cm le 12 septembre 1940. Dès le mois d'octobre, c'était un entonnoir, genre Verdun, de 5 mètres sur 5 mètres, avec déjà ablation d'une partie de ce cône d'ébouli, dont on sait aujourd'hui, mais on ne le savait pas, que c'était le tampon climatique, thermique et hydrique de la grotte. On est vraiment comme dans la grotte, là. Oui, c'est même mieux que dans la grotte, parce qu'au lieu d'avoir des murs, qui sont les aménagements successifs de la grotte originale, on a reconstitué les boulis d'entrée, vous voyez, sur lesquels les gamins ont glissé quand ils ont pénétré dans la grotte. Et ça, c'est, il n'y a aucune photo de ça. Ah, voilà Francis Ringenbach. Voilà. C'est lui l'artiste. Bonjour. Bonjour. Ma grotte est malade. Il faut la refermer. Alors pour commencer, est-ce que vous avez pu visiter la vraie grotte de Lascaux pour travailler sur la reproduction de toutes ces peintures que vous avez réalisées ? Oui, j'ai pu la visiter, mais pas suffisamment bien sûr, mais plus d'une centaine d'heures dans la grotte. Donc il a fallu encore beaucoup de compléments d'informations. Des photos, des reproductions 3D. Tout à fait, tout à fait. On avait un modèle 3D que chaque peintre avait sur son ordinateur ou a toujours sur son ordinateur et qui permettait de se déplacer dans la grotte, de se rapprocher de la paroi, de zoomer le détail, vraiment le micro-détail, et ensuite de travailler sur les éclairages aussi. Le plus important pour nous est de reproduire les parois. Donc la géologie de la paroi, le détail minéral de la paroi, le grain, et bien sûr la couleur à l'identique. Alors là, Jean-Pierre Chadel vient d'éteindre la lumière très vive qui nous éclairait jusque-là. Donc là, on est dans une semi-obscurité avec des petits points de lumière qui sont disséminés dans la paroi, qui sont comme une figure des lampes à graisse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, tout doucement, on retrouve l'ambiance. Mmh. Oui, déjà, on baisse la voix. C'est vraiment caractéristique, hein. Déjà dans la grotte on parle à voix basse et aujourd'hui je vois, je me surprends moi-même, mais je vois que déjà on sent qu'on est dans un autre lieu. Jusqu'à présent le côté chantier était vraiment très présent, mais là je me rends compte que voilà, on est tout doucement là, spécialement aujourd'hui je me sens dans un autre lieu déjà. Ça marche. Ah oui, ça marche, ça fonctionne, oui. Il Et c'est vrai. Malgré les perceuses et les scies, malgré l'odeur de peinture et la poussière, une fois franchis portes et couloirs où s'activent les ouvriers pour que tout soit prêt à temps, on a soudain l'impression d'entrer dans Lascaux, avec ce bestiaire gigantesque qui tournoie sur le plafond voûté. Et c'est comme si on parcourait un grand squelette. Parce que les grottes sont comme des corps. Elles sont vivantes, âgées et fragiles. On en surveille l'hydratation, la température et la peau. Ce sont des corps qu'on a longtemps soignés aux antibiotiques et auxquels maintenant on prescrit des médecines douces. Des équipes entières sont à leur chevet et opèrent en charlotte et tenue stérile. Elles parcourent les bras et les diverticules dans le ventre de la terre. Désormais, les grottes sont en quarantaine. Le public n'y a plus accès et seuls quelques rares scientifiques y entrent, et à condition de ne plus rien toucher. Mais qui donc a commis le péché originel qui nous a chassés à jamais de ces paradis souterrains? Quel faux pas a enclenché la malédiction de Lascaux? Enchantée, Muriel Mauriac. Donc on a franchi le portail, mais on n'entrera pas dans la grotte. Non, la porte restera fermée. Muriel Mauriac, conservatrice de la grotte de Lascaux. Oui, voilà l'entrée du sanctuaire, avec cette magnifique porte bronze qui a été aménagée au moment des travaux pour rendre la grotte accessible au public et qui reste fermée la plupart du temps pour préserver ce sanctuaire fragile et précieux. Vous voulez qu'on s'approche? Oui, on peut peut-être s'approcher. Alors, il y a un grand escalier de pierres et de galets qui nous amène jusqu'à la grotte. Et puis voilà, on a cette porte de bronze qui est assez spectaculaire. Elle s'apparente un petit peu à ces très belles portes qu'on avait dans l'Antiquité, dans les mastabas égyptiens notamment. Donc ici, on est sur un caillebotis pour faire un premier cheminement, permettre un peu de faire tomber la terre, sachant qu'une fois la porte ouverte, tous les agents et les personnes qui rentrent dans la grotte sont équipés avec des surchaussons, des combinaisons, un petit peu comme les mêmes équipements que l'on a dans les blocs opératoires. Alors peut-être pour commencer, Muriel Mauriac, vous pouvez nous résumer un peu les épisodes. La découverte de Lascaux, on la connaît bien, mais à partir du moment où elle a été ouverte au public et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties pour cette grotte. Oui, alors effectivement, la première d'entre elles, ça a été évidemment un jour de 1940, au plus sombre de l'histoire de France, la découverte par ces quatre jeunes garçons, de manière tout à fait fortuite. Et puis, cette grotte appartenant à un propriétaire privé, cette volonté de l'ouvrir au plus grand nombre, la connaissance partagée, le savoir et l'accès pour tous, qui vont nécessiter un certain nombre de travaux d'aménagement. Donc, vous en avez ici, évidemment, le témoignage avec cette porte monumentale. Et puis on a vite élargi le reste des entrées pour que tout le monde, des milliers de personnes jusqu'à la fin de 1940, sont entrées dans la grotte, jusqu'à la salle des taureaux, etc. Donc l'entrée était totalement modifiée. Et alors justement, qu'est-ce qu'il en a été à l'époque de la découverte, des fouilles? Est-ce que le sol a été fouillé avant d'être recouvert? Est-ce qu'on a eu le temps de faire un travail archéologique qu'on ferait aujourd'hui sur un temps beaucoup plus long? Alors, plutôt que de ne pas l'avoir voulu, c'est plutôt le manque de temps qui n'a pas permis d'aller au bout d'un travail qui serait celui que l'on mènerait aujourd'hui. Des fouilles archéologiques ont été entreprises dans un cadre horaire très contraint, puisque la grotte était ouverte au public. Et donc l'abbé Glory, qui est le principal instigateur de ces fouilles, a travaillé tant bien que mal, souvent le soir, la nuit, pendant les périodes de fermeture de la grotte, pour essayer d'engranger, d'accumuler un maximum de matériel archéologique, d'informations. Mais il est certain que les aménagements et l'ouverture au public ont fait perdre un certain nombre de données archéologiques tout à fait précieuses. Peut-être que ça m'amène à vous parler des objets qui ont été trouvés dans Lascaux et qui sont révélateurs de la fréquentation de cette grotte. Brigitte Deluc, archéologue. Dans la majorité des grottes ornées, surtout dans les grottes anciennement découvertes, aucun objet n'a été retrouvé. Donc, c'est vraiment un mystère total. En revanche, à Lascaux, beaucoup d'objets ont été retrouvés. Et pourquoi? Tout simplement parce que, après le départ des derniers Magdaléniens qui l'ont décoré et fréquenté, l'auvent de l'entrée s'est effondré, a été bouché, et plus personne n'est entré dans la grotte. non seulement plus personne n'est entré dans la grotte, mais aucun dépôt ne s'est produit sur le sol. La couche archéologique qui contient les vestiges des hommes qui ont fréquenté Lascaux était à fleur de sol. En effet, pendant les périodes pluvieuses ultérieures, l'eau est entrée, s'est infiltrée dans la grotte et petit à petit s'est formé un épais plancher stalagmitique qui a recouvert entièrement la couche archéologique dans la salle des taureaux, dans la partie centrale. Miracle extraordinaire. Tout le matériel était donc figé, protégé par ce plancher stalagmitique. Il a été recueilli non seulement des lampes, plus d'une centaine, dispersées dans différents endroits, il a été retrouvé les outils des peintres, énormément de pigments. Un peu partout dans la grotte, c'est-à-dire de l'ocre rouge, du manganèse, et tellement de pigments préparés, en particulier des boulettes d'argile avec de la poudre de manganèse, que l'abbé Glory, qui a été le grand chercheur de Lascaux, qui y a travaillé pendant plus de 10 ans avant que la grotte ne soit fermée, que Glory disait qu'il imaginait qu'on aurait pu refaire un autre Lascaux. Il y avait aussi le matériel des graveurs. Il y avait plus de 500 pièces de silex qui avaient servi incontestablement à graver. Ils étaient usés sur le rocher. Non seulement il y avait ces outils qui, après tout, étaient le matériel des peintres et des graveurs, non seulement il y avait les lampes qui permettaient de circuler dans la grotte, il y avait aussi des objets dont on ne connaît pas la signification. Il a été retrouvé des bijoux façonnés, taillés, des pendeloques en coquillage. Il a été retrouvé des outils de chasse. Dans le passage, vous savez, cette petite galerie très étroite entre la salle des taureaux et la nef, eh bien, il a été trouvé une pointe de sagaie en os, parfaitement façonné, qui portait encore les traces du lien d'emmanchement. On a retrouvé les traces du mastic et du lien. C'est-à-dire qu'il faut concevoir qu'à Lascaux ont été trouvés environ un millier, je dis bien un millier d'objets. Gilles Deluc, archéologue. C'est extraordinaire. Quand on pense par exemple à la très belle grotte de Rouffignac, qui fait plus de 5 km de galerie, il a été trouvé dans cette grotte un tout petit morceau de silex de grand comme mon ongle. Tandis que Lascaux, ça foisonne, et on pourrait presque utiliser l'expression qui est celle de Jean Aurieux, je crois, en disant que Lascaux, comme l'acropole, c'est un théâtre éteint. C'est-à-dire que lorsque le dernier Magdalénien ancien est sorti, il y a eu un éboulement de l'entrée et ça a été laissé tel que cela a été découvert le 12 septembre 1940. Et c'est ça qui vous laisse penser, qui vous permet de dire que c'est une grotte qui a été très fréquentée. Une grotte qui a été, oui, très fréquentée, plus de 100 lampes. Une partie a été jetée bêtement, mais plus d'une 100 lampes, c'est énorme. C'est pas deux peintres qui vont utiliser 100 lampes. Ce qui a été dit, il a été dit aussi qu'il avait été trouvé des coquillages, il y a 15 ou 16 coquillages, les uns venant de Méditerranée, les autres venant d'un site fossilifère du Poitou. Tout ça, ça fait rêver, cette chose extraordinaire. Bien entendu, les grottes nouvellement découvertes, je pense à Chauvet, je pense à Cussac, on se garde bien de tripatouiller partout, etc. Tandis que là, beaucoup, beaucoup d'objets ont été ramassés pendant les premiers mois, mais heureusement, grâce au témoignage de l'inventeur Marcel Ravida et de ses compagnons, on sait à peu près où cela est. Et puis alors, le deuxième miracle, qui est extraordinaire, c'est que Lascaux, avec toutes les difficultés qu'il y a eu au départ, ces tranchées dont parle Brigitte en 1958, qui ont ravagé le sol de Lascaux, il y a eu un miracle, c'est que a été toléré pendant les travaux un prêtre, l'abbé André Glory, et c'est lui qui est l'archéologue de Lascaux. Il a tout situé, il a tout ramassé, il a fait clandestinement, bien entendu, un certain nombre de coupes stratigraphiques pendant ces fameux funestes travaux. Et, il faisait ça la nuit, et il n'avait pas d'argent. Et il avait quelques vagues indemnités des beaux-arts, comme on disait à l'époque, et il a tout amassé chez lui, en grande partie chez lui. Je suis sûr que lorsque nous avons vu ce matériel, nous n'étions pas moins rayonnants que lorsque Carter est entré dans la tombe de Toutankhamon dans les années 20. Et puis, à partir de 1948, la grotte a été inaugurée et à la saison, 1000 personnes, peut-être 2000, entrées dans cette grotte qui ne fait que 150 mètres de long. Et le CO2 que la grotte produit déjà, parce qu'il y a des restes végétaux, le CO2, l'eau de la perspiration, la chaleur que nous portons, a envahi cette grotte. Et en 1958, il a été décidé de faire une climatisation. Climatisation, ça consistait donc à faire des tranchées partout, à passer les gaines de ventilation et les reprises, bien entendu. Et on a fait un système qui marchait bien, qui climatisait la grotte et qui aseptisait la grotte, manque de chance. Il était étudié pour 400 personnes par jour, il en rentrait 1000 ou 2000. Alors on a forcé les machines, les filtres se sont bouchés, et il y avait tellement de courant d'air que ça soulevait même les jupes des dames, ce qui est assez amusant, mais qui est démonstratif. Et puis, cette machine à climatiser est devenue un véritable cracheur qui crachait les pollens, qui crachait même les asticots de la forêt du bois sous-jacent. Alors, et même des algues, bien sûr, est arrivée à ce moment-là une maladie verte. Jusqu'à Lascaux, on pensait que, sans le dire, mais que les grottes étaient immortelles. C'est-à-dire des grottes qui avaient duré pendant 15 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas autant, quoi. Vous voyez ? Alors, Lascaux... Jean-Claude, archéologue. Moi, je l'ai visité, Lascaux, pour la première fois, c'était en 1960. Eh bien, Lascaux, vous disait, il faut y aller le matin, le visiter, il vaut mieux le visiter le matin que l'après-midi, parce que l'après-midi, il fait 3 ou 4 degrés de pluie. Il y a tellement de gens qui sont passés qu'il fait très chaud. L'après-midi, il fait très chaud. Allez-y plutôt le matin, vous voyez. Alors, vous vous rendez compte de tous les chocs thermiques que ça prenait. Et ce n'est qu'en 1963 qu'on s'est aperçu qu'il y avait des dégâts qui étaient en train de se produire, qu'il y avait des endroits où de l'eau qui coulait sur les peintures se chargeait, elle était en train de dissoudre certaines peintures, etc. Alors... là, ils ont fermé Lascaux. C'était Malraux qui avait pris cette décision. Ils ont fermé Lascaux au public. Ça a été une catastrophe pour la région, bien sûr, hein, sur le plan économique. Mais il fallait bien le faire. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à s'intéresser à ces problèmes de conservation des grottes, en particulier des grottes ouvertes au public. Chef-d'œuvre en péril. Chef-d'œuvre en péril, Pierre de la Garde au chevet de Lascaux, 1963. La grotte de Lascaux est en péril. Les fameuses peintures pariétales représentant des bisons sont envahies depuis quelque temps par une minuscule couche de champignons ou d'algues microscopiques. La prolifération de ces champignons est si rapide que M. Malraux a décidé il y a un mois la fermeture de la grotte et il a nommé une commission d'enquête chargée d'étudier ces phénomènes inquiétants. Cette commission s'est réunie il y a quelques jours. Elle comprend des juristes comme M. de Ségogne, des spécialistes de l'art comme Mme Chastel et des savants comme le docteur Boer. Docteur, pouvez-vous nous dire d'où viennent ces algues microscopiques ? C'est l'inconnu du problème ou tout au moins une variable que la commission essaie de déterminer actuellement. Et vous ne pouvez pas les faire disparaître, vous ne pouvez pas les enlever ces algues ? On essaiera justement, par décoloration après. Je vais vous poser une question un peu stupide, mais est-ce qu'on ne peut pas brosser la grotte ? On ne peut absolument pas, puisque la peinture est excessivement fragile, et la calcite aussi. Oui. Alors, pour les faire disparaître, il faudrait utiliser des produits chimiques ou... Vous ne savez pas. Inconnu pour le moment. Inconnu. Alors, Madame Chastel, je m'adresse à vous en tant que critique d'art. Ne faut-il pas fermer les grottes complètement au public, ne les ouvrir qu'aux spécialistes et aux photographes? Personnellement, moi, je pense que l'œuvre doit être sauvegardée. Et dans la mesure où le visiteur, surtout s'il n'a pas un intérêt réel pour l'œuvre, insiste trop, insiste par snobisme ou simplement par attrait touristique, il doit être éliminé. Alors vous êtes comme tous les spécialistes, mettre la clé sous la porte et empêcher les gens d'entrer? Ah, pas tout à fait, mais à la limite, oui. Vous le voyez, Madame Chastel n'est pas favorable à l'ouverture de la grotte au public. Je conçois ses alarmes surtout en ce moment. Mais sur un plan général, je me permets de ne pas être de son avis. Les spécialistes que je connais fort bien ont une fâcheuse tendance à entourer les merveilles de l'art d'une barrière, d'une sorte de cordon sanitaire, comme s'ils étaient seuls dignes d'en goûter la valeur. Ah, ces spécialistes, ils ressemblent un peu à ma grand-mère qui est enfermée d'admirables potiches du 18e dans son armoire, de peur qu'elles ne se cassent, si bien que personne ne pouvait jamais les voir. Il faut dire que dans cette étude, il y avait eu un garçon qui avait, Guyon, Paul-Marie Guyon, qui avait une idée géniale, c'est-à-dire de supprimer toutes ces pompes, tous ces trucs-là, et de le remplacer par les courants de convection. Il suffit de prendre l'air qui est chaud au fond et humide, et de le faire remonter vers un point froid, comme un réfrigérateur ouvert à l'entrée, ça marche tout seul, ça assèche et ça refroidit. Ça a merveilleusement marché jusqu'en... Ça aurait marché pendant peut-être des siècles, mais en 1999, il a été décidé d'abandonner tout cela et de remettre un système plus efficient qui a été le début... La catastrophe, c'est-à-dire, on s'en remettra sans doute jamais. Actuellement, c'est stabilisé, c'est déjà ça. Mais, si vous voulez, ça paraît être un enchaînement épouvantable depuis les premiers jours, mais c'est la première fois que l'on trouvait une grotte comme Lascaux, on ne savait pas. Bonjour. Bonjour. Bruno Desrines, qui est gardien de la grotte depuis plus de 20 ans. Bonjour. Sandrine Géraud, technicienne de recherche qui travaille à Lascaux depuis une vingtaine d'années aussi. Et puis là, deux membres de l'équipe de restaurateurs chargés du suivi, Alina Moscalic de Tal et Julia Assouna. Donc, vous tous qui veillez sur la grotte, elle va bien ? Très, très bien. On en est arrivé à une autre manière de faire. Et pour la première fois, on a, depuis un peu plus d'un an, pu assurer les paramètres de conservation totalement adaptés, sans l'aide d'aucune machine de régulation, ni une pompage CO2. Stéphane Konik. Archéologue. Donc on se retrouve avec une évolution vers une régulation naturelle de la grotte. La grotte se débrouille toute seule, à condition de limiter strictement la présence humaine. Lascaux, effectivement, par ses malheurs et ses problèmes de conservation, a servi d'exemple et sert toujours d'exemple pour l'ensemble des grottes ornées. Et aujourd'hui, une grotte qui est mise au jour n'est absolument plus prise en compte comme a pu l'être Lascaux dans les années 40. La découverte, il y a un peu plus d'une décennie de cela, de la grotte Cussac en Dordogne, fait que celle-ci ne sera jamais ouverte au public. Il en est de même pour la grotte Chauvet où... Dès sa découverte, la décision a été prise de ne pas l'ouvrir au public et de développer des outils de communication, de médiation culturelle, de portée à connaissance, autres à travers notamment la réalisation de facsimilés. Pourquoi avoir décidé de refaire un facsimilé ? Il y en avait déjà un, qui est d'ailleurs pas loin d'ici, à quelques centaines de mètres. Alors, l'idée est venue de la nécessité de ce qu'on a appelé la sanctuarisation de la colline, éloigner le plus possible la fréquentation humaine et en particulier la fréquentation automobile. Donc on a déjà fermé une partie de la route d'accès au site. Et puis, Lascaux 2, comme vous le savez, si vous avez visité le site, n'est qu'une représentation partielle du facsimilé de la grotte originale. Et l'idée a été d'offrir au public une représentation la plus fidèle possible, mais aussi la plus complète de la grotte originale, d'où ce projet de Lascaux 4, où effectivement sera proposé au public un facsimilé avec des parties inédites et non représentées jusque-là à Lascaux 2. Dans les couloirs du futur Lascaux 4, à l'abri des parois ornées, on suit Francis Ringenbach qui a refait les peintures à l'identique avec son équipe. Et là, on a même un petit peu le droit de toucher. Donc toutes ces zones ont bien sûr été reproduites à l'aide d'outils contemporains, mais qui ne sont pas très éloignés de ceux qu'ont utilisé les peintres de la préhistoire, à savoir qu'on a utilisé bien sûr des pinceaux, toute la gamme possible de pinceaux, des langues de chat. Ensuite, on a aussi procédé par endroit, par souffler, mais avec un petit dispositif à bouche. Donc on souffle dans un tube, dans un bocal, et en fait, ça transporte un petit peu de pigments. Mais ça, on l'a juste utilisé à certains endroits pour rajouter quelques effets. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qu'il a fallu maîtriser pour au final reproduire l'état d'aujourd'hui à l'identique. Donc là, oui, on est effectivement dans la partie terminale du diverticule axial, où il y a beaucoup de peintures qui se concentrent, avec celle-ci qui, au moment de la réalisation, n'a jamais été... Le peintre n'a pas pu la contempler dans son intégralité au moment de la réalisation. Parce que là, vous êtes dans un petit couloir assez étroit, on ne peut pas passer à deux. Et donc, ce cheval est presque enveloppé, il entoure une sorte de pilier, donc il est enroulé sur le pilier. Donc effectivement, on ne peut jamais le voir en entier. Et si nous-mêmes, on s'enroule autour de ce pilier, on peut y aller, là, on peut aller voir le... Il s'enroule littéralement sur ce volume, il se développe sur ce volume et il est vraiment en position de il n'est pas juste figé, plaqué sur la paroi, il est vraiment en lévitation, on le sent léger, il est suspendu à cet endroit. Et ça, c'est extraordinaire. On peut avancer jusqu'à ce cheval. Ce qui est intéressant... Vous emboîtez parfaitement dans la grotte, ça fait votre taille. Oui, tout à fait. Donc on imagine déjà la complexité pour le peintre. Et d'ailleurs, ces éléments-là, donc ces figures-là, ont été réalisées directement sur le béton sculpté. Et le peintre, donc Gilles, qui a réalisé ces quelques figures, il se souvient bien puisqu'il a l'arrière de son crâne qui est toujours douloureux. Hein, puisque voilà, il n'arrêtait pas, mais en travaillant ici, on essaye d'avoir un peu de recul. Et inévitablement, on s'oublie à un moment donné, et puis on cogne la paroi et à la faute. Et puis elle est très rugueuse. Oui, là, on est vraiment. Oui. Et surtout qu'on a le privilège, quand on travaille sur la paroi, comme on décompose le travail de l'artiste, on peut très bien voir le sens, par exemple, le sens du geste. On peut dire, c'était un gaucher, c'était un droitier, ce geste parti de gauche à droite, parce que le grain de la matière est plus chargé d'un côté. Et je peux vous assurer qu'à tout moment, même aujourd'hui encore, quand on est à travailler sur la paroi et qu'on ressent ce genre de... Enfin, on lit ce genre de détails, on n'est pas loin du frisson. Il y a eu Lascaux 2, dans les années 80, qui reproduisait la grande salle et le diverticule axial. Même fraîcheur, même obscurité, même troupeaux au galop. Il y aura bientôt Lascaux 4, qui reproduira l'intégralité des peintures dans plusieurs salles refaites à l'identique. Et il y a aussi la caverne du Pont d'Arc, qui restitue les gravures et les dessins de la grotte Chauvet dans une caverne quasi jumelle, mais un peu réduite. Visite guidée obligatoire. Merci. Non, c'est tout ce qu'il faut, ça va. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous invite à un petit peu baisser le son, parce que moi, je vais monter le son de mon micro. Vous m'entendez pas? Alors... Okay, bon. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, voilà, je suis Gabriel, donc je serai votre guide pour cette visite, ça va durer à peu près 55 minutes. Donc on va commencer par un petit tunnel qui sera un peu sombre, ce sera pour s'habituer les yeux à l'obscurité, pour pas être complètement perdu dans la caverne. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors rassurez-vous, le niveau du sol est régulier et plat, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de stalagmite pour vous faire trébucher. On va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Derrière cette porte qui se trouve derrière moi, nous avons la caverne du Pont d'Arc. Et vous le savez, la caverne du Pont d'Arc, c'est la réplique de la grotte Chauvet. Alors cette grotte Chauvet n'est pas loin d'ici, elle se trouve à quelques kilomètres à vol d'oiseau, juste à côté du Pont d'Arc, dans les gorges de l'Ardèche, précisément dans ce qu'on appelle le cirque d'Estre, la combe d'Estre. Alors deux petites dates pour continuer Cette présentation, ce sera le 22 juin 2014 avec l'inscription de la grotte Chauvet sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO. Et le 25 avril 2015, c'est l'ouverture de la réplique où vous êtes, qui permet de restituer ce patrimoine mondial de l'humanité à vous, l'humanité. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire un petit bond de 36 000 ans dans le passé pour aller voir ça de plus près ? Oui, oui, on est là pour ça. Allez, je vais faire un suspense insoutenable. Et je vous souhaite la bienvenue dans la caverne du Pont d'Arc. Est-ce que vous entendez ? Je n'entends rien. J'entendais. On a parfois quelques petits soucis techniques, mais rassurez-vous, ça va, m'entendez bien ? Cette fois, ça va. Voilà. Cette grotte en calcaire, hein, ça a été aménagé par l'Ardèche il y a 4 à 5 millions d'années. Donc, comme toutes les grottes en calcaire, vous avez... Les facsimilés qui sont produits surtout dans l'espace européen, donc sont une production de nos sociétés rationnelles et peut-être une externalisation de notre monde scientifique. Jean-Michel Geneste, archéologue. Et il y a une manière de vivre et de capitaliser l'expérience, d'être dans le noir comme dans la grotte, d'être dans une atmosphère fraîche un peu comme dans la grotte, d'être un peu, dans un certain sens, déconnecté du monde et concentré sur les œuvres. Beaucoup de personnes sont sensibles. Donc, cet engagement, c'est une volonté de transmettre à notre société, au monde contemporain, les valeurs et la connaissance accumulées sur la grotte. À ce titre-là, je ne sais pas si c'est une réussite, mais l'aspect restitution de la grotte, à mon avis, est une obligation sociale et professionnelle pour des scientifiques qui, aujourd'hui, dans une société, travaillent, bénéficient des moyens. On est tous à peu près des fonctionnaires. Peu d'entre nous sont des individuels. Bref, nous avons capitalisé des moyens pendant 20 ans et on essaie au mieux de les restituer. Dans les années 60, la catastrophe écologique, environnementale de la grotte de Lascaux, qui conduit à la fermeture de Lascaux en 1963, est un moment qui stigmatise les archéologues et les conservateurs. Et là, on s'interroge vraiment sur quels devraient être les bonnes pratiques. La plupart des grottes ornées qui sont aujourd'hui découvertes, il y a de grandes précautions, donc une étude systématiquement du milieu naturel, c'est-à-dire de la grotte, dans son état, close, quelquefois pendant des années, comme ce fut le cas ici, avant de décider d'y introduire des chercheurs, d'y introduire du matériel, de l'équiper avec des systèmes de passerelles métalliques posés sur le sol, donc qui sont amovibles le jour où ça serait éventuellement nécessaire, et un nombre limité de personnes y travaillent un nombre limité de jours par an. Alors là, on est en rive droite du Bélingou. Je ne sais pas si vous l'avez vu en arrivant tout à l'heure, c'est une petite, c'est un petit affluent en fait, de la Dordogne, et en rive gauche de la Dordogne. On va descendre. Un après-midi d'octobre, en Dordogne, pas loin du buisson de Cadouin, là où l'on trouve des dizaines de grottes sur un tout petit périmètre, des grottes toujours explorées et la plupart du temps plus ou moins ornées. Parmi elles, il y a les grottes les plus importantes, recouvertes de centaines de dessins ou de gravures. Lascaux, Pêche-Merle, Rouffignac, Combarelle, Fond-de-Gaume, Bernifal, Lamoute ou Barabao. Et puis on quitte la route pour un sous-bois. On tombe sur un ruisseau, il y a des mouches et des libellules, les herbes sont hautes et on recherche l'entrée de la grotte de Cussac. Oui, on est à 5 minutes là, en descendant. Grosse campagne, on va dire, c'est janvier, où là, des équipes des différentes disciplines vont se succéder dans la cavité pendant 3 semaines. Lysiana Ledoux, archéologue. Avec un temps de présence assez limité aussi. entre la découverte par Marc Deluc, donc l'inventeur, en septembre 2000 et le début de l'étude, je pense de mémoire qu'il doit y avoir au moins 8, sinon 9 ans. Jacques Jaubert, archéologue. En fait, le temps nécessaire au ministère de la Culture pour prendre les décisions les plus appropriées en matière de protection, d'abord, fermer la grotte, ensuite d'équipement, il fallait équiper cette grotte où il y a des sols très fragiles, puis pour lancer des études conservatoires, des bilans climatiques, pour surveiller, prendre un petit peu établir un bilan environnemental de la grotte avant de commencer à envisager son étude. Et alors, comment est-ce que se décide le choix de l'équipe qui va étudier la grotte ? Alors, Cussac, probablement dans le prolongement de Chauvet-Pont-d'Arc, fait partie de ces découvertes majeures, comme Cosquer aussi, Fauchecoa, pour lesquelles on ne peut pas envisager l'intervention d'un homme seul ou d'une petite équipe. C'est forcément un collectif de chercheurs. Donc un collectif de chercheurs disponibles et compétents pour étudier un site aussi complexe, parce qu'il y a quand même il y a plusieurs registres d'études. Il y a une étude générale, environnementale, géologique, géomorphologique, la formation de la grotte, son environnement d'une manière générale, puis la fréquentation de la grotte par l'animal, donc il faut des paléontologues ou des archéozoologues, puis l'appropriation de ce lieu par les hommes. Et à Cussac, on a un double registre, même un triple registre, il y a l'homme artiste qui grave, il y a l'homme défunt avec des sépultures, des restes humains, et il y a également l'homme qui fréquente, qui s'approprie la grotte, qui laisse des traces. Donc en fait, c'est trois domaines de discipline. Donc il faut constituer un collectif de chercheurs, et à Cussac, il y a un noyau dur de l'équipe qui fait 12-15 personnes, mais en fait, on a comptabilisé il n'y a pas très longtemps le nombre de collègues qui sont rentrés pour des raisons scientifiques dans Cussac. On est maintenant 70. Donc c'est assez important, et donc ça s'étale sur le temps. Le meilleur exemple qu'on a à Cussac, c'est pas le meilleur exemple, c'est le plus difficile d'ailleurs, ce sont les restes humains. Doit-on fouiller une grotte ornée ? Et les grottes ornées ont un statut un petit peu particulier dans le paysage archéologique. On ne les fouille pas systématiquement comme on ouvre un chantier en plein air, parce que voilà, c'est un site probablement un petit peu sacré, où il y a eu des événements très particuliers qui échappent, on va dire, au quotidien de la préhistoire. Donc comme ils ont déjà un statut un peu particulier et que leurs vestiges sont en plus emblématiques, on a des actions qui sont extrêmement mesurées en domaine grotte ornée. Et donc on est toujours en position de compromis, mais on ne doit pas s'interdire d'avoir un acte archéologique dans une grotte ornée comme Cussac. Et on a d'ailleurs trouvé un compromis, puisque certains des locus à restes humains vont être en partie fouillés, au détriment de d'autres qui seront conservés ad vitam aeternam. Au moment de l'appel d'offres qui a été lancé par le ministère de la Culture, la contrainte était d'étudier l'art, d'étudier la grotte, tout son contenu, y compris la paléontologie, les ossements sur le sol, l'archéologie, uniquement à partir des zones de stationnement et de circulation que sont ces passerelles, et de ne pas procéder à des actes de destruction du patrimoine. Je veux dire, cet acte de destruction de la connaissance qu'est la fouille, puisque à la fois on fouille, on démonte, on démantèle, mais on détruit un réservoir de connaissances qui n'est pas renouvelable. Donc l'archéologie détruit son propre domaine de connaissances, ses propres ressources. Et là, effectivement, on est astreint à cette contrainte qui nous a amené à beaucoup observer, photographier, enregistrer avec tous les moyens à notre disposition. Et on a vécu la révolution du numérique pendant cette période. Donc on est passé de l'enregistrement photographique argentique à l'enregistrement numérique. Donc on est aujourd'hui dans un système où on a constitué une très grosse base de données, de connaissances accumulées à distance qui sont très descriptives. Et c'est vrai qu'à Chauvet, ce fut frustrant au début, parce qu'on peut imaginer tout ce qu'il y a dans le sol, dans le sous-sol, à certains endroits. Néanmoins, aujourd'hui, avec 20 ans de recul, je crois que la totalité des membres de l'équipe ne regrette rien du tout et ne voudrait en aucun cas repasser dans un système où on pourrait faire n'importe quoi dans la grotte. C'est une grande satisfaction intellectuelle, mais vraiment intellectuelle, mais même morale, sociale, en termes d'engagement, de voir qu'on peut restituer une telle somme de données que par l'observation et qui reste tout intact. Comme quoi, les mauvaises habitudes, on peut quelquefois les oublier, et ce qui est une pratique admise pendant une période, on peut substituer autre chose en termes d'information. Donc ce qui a été vécu comme frustration, aujourd'hui, est un sentiment de bien-être moral et intellectuel. Une fois qu'on rentre dans Cussac, on va faire une visite rapide, c'est une grotte linéaire qui fait 1,6 km de long. Et donc une fois qu'on est rentré, qu'on a franchi le seuil, on se dirige soit vers la gauche, ce qu'on appelle la branche aval, soit vers la droite, c'est la branche amont. On va laisser la branche amont parce qu'elle est très peu équipée et elle fait plus d'un kilomètre de long, mais avec des vestiges assez dispersés. On va se concentrer sur la seule branche aval pour laquelle on a à peu près 500-600 mètres de vestiges dispersés. Et ces vestiges sont répartis de la manière suivante. On a des panneaux avec des gravures, ce qu'on appelle des panneaux ornés. D'abord un premier, le panneau de l'entrée, puis un second, le panneau de la découverte, qui est beaucoup plus important, puis un troisième, le panneau du bouquetin, qui est également très intéressant. On se rend compte en fait qu'ils explorent beaucoup la cavité en fait, parce que des moments ils vont à des endroits qui sont pas forcément les plus accessibles, les plus simples, c'est sans doute juste pour regarder peut-être ce qu'il y a après. Enfin voilà, on se rend compte qu'ils explorent pas mal, quitte à se baisser, quitte à ramper même parfois. C'est les premiers spéléologues quoi, ils vont partout un petit peu explorer. La cavité, on a beaucoup, ça fait partie des traces d'argile sur la paroi, qui sont en fait des traces de doigts frottés sur les parois. Des traces de doigts sur l'argile même, cette fois, hein, pas des frottements, mais sur l'argile même, on en a un petit peu également. Ça semble montrer en tout cas que les personnes qui occupaient la cavité portaient sur eux de l'ocre rouge, sur les vêtements, cheveux, sur les épaules, enfin ça on peut pas vraiment le déterminer. Quand on a toutes ces petites traces rouges très très très fugaces, c'est ça qui est assez le plus marquant en fait. Alors si, il y a un endroit aussi, c'est sur l'argile cette fois, c'est un endroit qui est un petit peu en hauteur. Il y aurait potentiellement une trace de pomme de main donc posée dans l'argile. Et on arrive à imaginer la personne donc poser sa main et glisser en fait ou sur les fesses ou sur le talon en fait glisser jusqu'au bas de la pente. Et ça se complique encore un peu plus quelques mètres plus loin avec les premiers locus à restes humains. On trouve dans des bauges d'ours des restes humains. On a plusieurs locus avec plusieurs dépressions et quelques dizaines voire quelques centaines de restes osseux humains. Puis on a une troisième bauge qui est beaucoup plus spectaculaire avec un individu quasiment entier, qu'on appelle le locus 2. Donc c'est un individu qui a été déposé sur le ventre et qui est encore pratiquement intact, qui s'est juste affaissé sur lui-même. Et puis un petit peu plus loin, on a d'autres panneaux de gravure, un peu plus discrets. Et puis voilà, il y a un troisième locus avec des vestiges humains, qu'on appelle le locus 3. Donc en fait, voilà, trois locus avec des restes humains qui totalisent entre 5 ou 6 individus, plusieurs centaines de restes, et parfois déposés intacts et à peu près dans leur position d'origine. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle le grand panneau, qui est un des grands moments de l'art pariétal, puisque ce sont, après Lascaux, les gravures les plus monumentales qui existent, gigantesques, avec des animaux gravés plus grands que nature. Et là, il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'entités graphiques, avec des bisons, des chevaux, des mammouths, des représentations féminines, etc. Et donc, il y a une sorte de montée en puissance de la visite au niveau de l'art pariétal qui incontestablement atteint son sommet, son apogée avec le grand panneau. Et après le grand panneau, on est déjà à presque 300 mètres de l'entrée. Et 300 mètres de l'entrée sous terre, ça représente presque 20 minutes de progression. On franchit encore des difficultés, il y a même le franchissement d'une cascade, il y a des étroitures, et on arrive après une zone qu'on appelle le passage. Il y a encore un panneau important avec plusieurs dizaines de gravures, de bisons notamment, de mammouths. Et enfin, tout au fond, le panneau qui porte bien son nom, le panneau du fond. Alors lui, il est extrêmement mystérieux puisqu'on n'a pratiquement pas pu l'inventorier parce qu'il est en position très fuyante, très plafonnante, assez loin du cheminement. On n'a fait que l'entrevoir et deviner son potentiel iconographique. Et donc, pendant ce gravétien moyen, un groupe s'est approprié ce site, l'a investi, et l'a investi à la fois pour de l'art et pour déposer des corps. Alors on ne sait pas si ces corps étaient recouverts de matériaux périssables qui ont disparu depuis, hein, mais c'est quand même très étrange de penser qu'un groupe ait fait cet effort pour amener des congénères sous terre et les déposer au pied de Panournée. Tout nous porte à croire que ce groupe est le même, ça c'est clair. Après, est-ce qu'une saison sépare les graveurs des inhumeurs, enfin de ceux qui traînent des corps pour les mettre dans ces dépressions? Ça on ne peut pas le démontrer bien sûr, hein. C'est ce qu'on appelle le temps court en préhistoire, il est pratiquement insaisissable à l'échelle de l'archéologie préhistorique. Cette association, elle est vraiment très très claire et très, et maintenant je pense démontrée entre art pariétal et reste humain. Ça effectivement c'est complètement nouveau et ça change complètement notre regard de la grotte ornée. La grotte ornée devient un peu plus la grotte sanctuaire que s'aimait à nommer l'abbé Breuil, hein. C'est l'abbé Breuil qui parle de grotte sanctuaire pour les grottes ornées. Et je pense qu'il s'agit de sites sacrés dans le registre du funéraire comme dans le registre de l'art pariétal. Non, la grotte, bah déjà, elle est fermée parce qu'on est en octobre. Et quand elle est ouverte, bah, pour l'instant, c'est vraiment l'étude de la cavité qui prime. Hein, donc, et c'est vrai qu'il y a très très peu de... Oui, c'est quand même assez difficile de rentrer à Cussac. On ne peut pas entrer à Cussac, mais avec l'archéologue Jean-Pierre Chadel, on peut entrer dans Lascaux 4. Ce sont des sociétés qui sont mobiles, ce sont des sociétés qui se déplacent sans arrêt. On voit bien ce mouvement des groupes, on commence à bien le cerner. Quand on met tous les moyens ensemble, c'est-à-dire quand on va étudier aussi bien l'outillage lithique que la transformation des squelettes après la chasse, que le réemmanchement des pointes de chasse et tout ça, quand on met toutes ces disciplines à travailler ensemble, c'est là qu'on arrive à voir le mouvement de ces gens. Et je dirais même que à cette époque-là, toute la technologie, elle a qu'un seul but. Un seul but, c'est alléger ce qu'on va transporter. Tout le silex, quand on regarde comment fonctionne un atelier de taille de silex, c'est 80 kilos de silex qui vont être apportés à un endroit, qui vont être taillés, ils vont en abandonner 70. Ils vont repartir avec 7-8 kilos d'objets tout faits, tout prêts à être utilisés. Voilà, et ils vont se déplacer avec ça. Et tout se déplace comme ça. Dans des grottes du Périgord, on trouve des ossements de mammifères marins. Ces grands os des mammifères marins qui leur permettent justement d'avoir des supports très très droits pour leurs armes de chasse, on va retrouver ça en Dordogne. Donc tout ça se déplace. Alors, se déplace par échange. Je vais te donner des pointes en silex qui viennent de tel endroit, qui sont jolies, qui sont veinées. Et puis toi, en échange, tu vas me donner cette belle sagaie en os de baleine. Quoi. Et voilà. Cette plaquette avec ce joli mammouth dessiné. Et voilà, la plaquette avec le mammouth dessiné. Ça, c'est un phénomène qu'on a un peu de mal à comprendre. Parce que quand on en trouve, eh bien, il y en a des grandes quantités. Et le bestiaire qui est représenté sur cet art mobilier, sur ces plaquettes, est plus large que ce qu'on retrouve sur les parois. Un compresseur. Oui, donc il y a des histoires qui s'échangent. Oui, il y a des histoires qui s'échangent. On voit ici un étalon qui est en train de sentir l'arrière-train d'une jument. Il a plusieurs têtes. Et ce thème-là, on va le retrouver dans tout l'art pariétal préhistorique. On va le retrouver dans la vallée du Coa au Portugal, avec un étalon comme ça qui est en train de renifler sa jument. C'est des scènes de naturalistes qui sont représentées. Et ça fait partie de ces choses qui sont, ces thèmes qui sont privilégiés. On en a d'autres, on a des affrontements aussi, les animaux qui se font face à face. On a ici, à d'autres endroits, on va avoir les bisons comme ça qui semblent s'échapper, courir chacun dans une direction. On a des thèmes qu'on va retrouver comme ça, qui racontent une histoire que nous, on ne déchiffre pas. Après, on va par où alors, François Ringenbach, si on veut continuer le parcours dans cette grotte? Là, on quitte l'abside et la nef et on chemine vers la dernière figure qui apparaît dans cette zone. Voyons, on sait très peu de choses sur Lascaux. Toute l'archéologie de la grotte reste à faire. Plus ça va, moins on en sait. Je dirais pas ça, mais plus ça va, plus on pose des questions et puis nos successeurs répondront à ces questions, mais pas à toutes. Il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas trouver de solution, ça c'est sûr. C'est bien ça la sagesse qu'il faut, hein, et l'interprétation est gratuite. Hein. Voilà, la recherche elle est coûteuse, mais l'interprétation est gratuite. Et puis on échappe au domaine scientifique, on est en dehors, quoi. On peut toujours interpréter comme on veut ce genre de choses. Après, nous on essaie d'observer avec nos yeux d'hommes du XXe siècle ce qui a été fait par des hommes du XXe millénaire avant nous, et on a bien du mal. Et l'interprétation, moi je m'y aventure pas, quoi. C'est un domaine. Donc chacun fait ce qu'il veut, quoi. C'est le dernier espace de liberté. Oui, on peut dire ça, oui. Et il y a un petit cheval derrière nous. Un petit cheval soufflé. Qui nous indique la sortie. Merci à Jean-Pierre Chadel, Brigitte Deluc, Gilles Deluc, Jean-Claude, Jean-Michel Geneste, Jacques Jobert, Stéphane Konik, Lisiana Ledoux, Muriel Mauriac et Francis Ringenbach. Merci aussi à Gilles Tossello, Valérie Ferruglio, Jean-Jacques Delannoy, Valérie Molès, Jean-Jacques Clayet-Merle et au Musée national de préhistoire. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Éric Boisset. You know I can't let you. Ma grotte est malade, il faut la refermer. Un documentaire de Perrine Kergrand, réalisé par Diffie Mariani. C'est des gestes qu'on imagine, effectivement, on crée des images sur ces gestes. Il y a des choses assez touchantes, parfois, notamment à la grotte au poing, où là, on a affaire à des impressions de paumes, de mains, avec de l'ocre, enduite d'ocre. En fait, les gens ont pris de l'ocre qu'ils ont passé sur leur paume avant de l'appliquer sur la paroi. Et ce qu'elles ont de très particulier, ces impressions de paume, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à distinguer dessus les dermatoglyphes. Et donc, les dermatoglyphes, ce sont toutes ces petites lignes qu'on voit au niveau de la main et qui sont l'équivalent sur la paume de nos empreintes digitales. Alors, les grandes lignes de la main, la ligne de vie, la ligne de chance, etc., on ne les voit pas. Par contre, on voit toutes les petites lignes qui sont sur les pourtours de la main. Et déjà là, on arrive à voir qu'on a affaire uniquement à des mains droites. Parfois, on voit les doigts qui ont marqué un petit peu. Et puis, dans certains cas, apparemment, les gens s'y sont repris à plusieurs fois pour remettre la paume sur la paroi.